Charlie, le temps n'est plus ce qu'il était. Le monde avant Charlie, c'est le monde passé. Charlie, Charlie, t'as sûrement raté un métro. L'amour t'a largué, Charlie, ça t'a mis KO. Tu soignes, tu coules, tu te répands. Un peu comme Jeff, le pote à Brel, qui sur son trottoir de Bruxelles gueule son amour éperdument. Thank you.